Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Pourquoi le désormais tristement célèbre pont Morandi de Gênes s'est-il effondré le 14 août 2018 ? Un viaduc s'est effondré en Italie, en pleine autoroute, à 10, au-dessus de Gênes. Le ministre des Transports parle d'une immense tragédie. D'après les images qu'on a pu voir, ça faisait penser à un film catastrophe américain, comme on les voit effectivement au cinéma. Les secours ont travaillé sans relâche, toute la nuit. Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour sortir des décombres de potentiels survivants. Il faut savoir que le vice-ministre des Transports a lui-même dit « On savait depuis des années qu'il y avait des problèmes avec ce pont. » Eduardo Rixi qui se rendra demain sur place avec le ministre des Infrastructures. Et ce qu'on sait également, c'est que ce viaduc, il était en cours de consolidation. La dalle était en train d'être consolidée et il faisait l'objet d'une surveillance et d'une observation constante. C'est ce qu'ont déclaré les autorités italiennes. Visiblement insuffisante. Hein. La polémique continue d'enfler en Italie sur d'éventuels défauts de construction du pont Morandi. Il en existe seulement 3 de ce type dans le monde entier. Super fail. Marc Mimram, bonjour. Vous êtes architecte et ingénieur. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Vous connaissez bien les ponts, les passerelles. Aujourd'hui, il y a évidemment une querelle d'experts pour tenter de comprendre pourquoi le pont Morandi de Gênes s'est effondré. Pourriez-vous nous résumer en quelque sorte les différentes hypothèses en présence ? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas eu d'enquête menée. On peut imaginer que ça vienne de différentes causes. Pour les connaître, la première chose, c'est bien de se souvenir que tous les ouvrages, cet ouvrage a été terminé en 1967, hein, tous les ouvrages doivent être suivis. Quand on construit un pont, on a un planning de suivi de l'ouvrage. Ils vieillissent comme nous tous et comme tout le monde. Et donc, il faut respecter ce suivi. Et à partir de ce suivi, il y a un diagnostic, et à partir de ce diagnostic, il y a une maintenance. L'hypothèse du défaut de maintenance était vraisemblablement la plus importante. Et alors, maintenant, d'où vient la chute ? Elle peut venir de plusieurs hypothèses. Et évidemment, le système de haubans aurait pu lâcher. Mais système de haubans, c'est-à-dire ? Le pont est suspendu et haubané, c'est-à-dire il est suspendu à des tirants qui renvoient au mât. Le tirant est accroché en tête et sur le tablier. Le tablier, c'est l'endroit sur lequel on roule. Et la spécificité de cet ouvrage, c'est le tirant était lui-même inclus dans une gaine en béton. Et donc, s'il n'y a pas un suivi, on peut voir très facilement si ça rouille, si la rouille apparaît, s'il y a des fissures dans le béton. Donc ça, c'est une première hypothèse. Il faut qu'on regarde. Est-ce que vous êtes en train de dire, Marc Mimram, que c'est peut-être ce fil, je le dis avec mes mots, le fil qui tient le tablier du pont qui aurait lâché ? C'est un fil fait de 352 fils, chacun des haubans, d'acier d'un centimètre. Il aurait pu lâcher si la connexion est mauvaise, s'il n'est pas entretenu, s'il y a 1000 hypothèses possibles à ce moment-là. Il y a donc une hypothèse sur le hauban. Il y a une hypothèse sur le béton lui-même. Le béton vieillit, les hypothèses de... Le béton fissure toujours. Vous savez, le béton, ça travaille très bien en compression. Ça travaille assez mal en traction et on met dedans des armatures qui sont soit passives, des armatures en acier, soit des armatures en acier qu'on l'entend, c'est le béton précontraint. Et donc si le béton vient mal vieillir, il faut s'en assurer et regarder les fissures à nouveau et l'entretenir. Ça c'est une deuxième hypothèse sur le matériau lui-même, la rhéologie, son matériau lui-même. Puis il y a une troisième hypothèse que j'évoque mais sur laquelle je n'ai aucune prise. C'est les fondations elles-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait eu un problème avec le sous-sol, s'il y a une poche de dissolution? Les fondations sont à 48 mètres de profondeur. Est-ce que le sol se serait modifié avec le temps? Et à ce moment-là, un tassement aurait pu avoir lieu et puis une catastrophe en chaîne. Donc il y a plusieurs hypothèses sur le franchissement lui-même. On a dit a posteriori, on le savait, les ponts Morandi sont des ponts fragiles. Non, je crois que c'est une mauvaise querelle. Riccardo Morandi est un très grand ingénieur italien des années 60. Il y en avait deux grands à l'époque, Pierluigi Nervi et Riccardo Morandi, qui ont construit des ouvrages importants en béton armé et en béton précontraint. Morandi a inventé un système qui s'est peu développé de ponts haubanés, comme je vous le dis, inclus dans du béton, mais Il a donné lieu à d'autres ouvrages. Il y a un très grand ingénieur suisse qui s'appelle Christian Mann qui a utilisé des bétons dans le Tessin, des bétons, des haubans dans le béton. Donc je crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, c'était un très bel ouvrage. Il était... Rappelez-vous, de si vous avez pris cette route, c'est une route extraordinaire. Elle nous donne à voir le paysage de haut, dans la topographie, on se décolle du sol et on est soulevé de ce sol, on est dans la lumière et puis soudain on rentre dans l'ombre, on aperçoit la baie de Gênes et puis on revient dans la lumière. C'était un magnifique ouvrage qui permettait de franchir cette vallée. Et puis il était très tenu d'une rive à l'autre. Souvent les ponts franchissent de manière exemplaire la brèche, mais leurs viaducs d'accès sont assez mal faits. Là, il y avait une très grande continuité, une très grande cohérence. Les piles sont des piles qui sont ouvertes en V. Le haubanage est lui-même pris dans un V inversé. Tout cela est d'une très grande qualité. Je voudrais aussi rendre ici hommage à Ricardo Morandi. On a dit, là, pour le coup, vous corroborez un peu plus cette hypothèse, même si, bien entendu, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens, Marc Mimram, de savoir précisément ce qui s'est passé. On a dit que la compagnie d'autoroute n'avait pas maintenu ce pont comme il aurait dû être maintenu. Est-ce que, finalement, c'est ce qui vous paraît le plus plausible ? Ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que, en règle générale, on a des signes. Des signes avant-coureurs. Un béton, ça vit, un bon ouvrage, ça vit. Il y a beaucoup de manières de le vérifier. On a aujourd'hui des moyens d'inspecter les fissures, on a des moyens d'inspecter la déflexion de l'ouvrage, c'est-à-dire que un pont, c'est quand vous roulez dessus, il a tendance à se déformer. Il ne faut pas qu'il se déforme de manière excédentaire par rapport à ce qui est prévu. On a des modèles de calcul, on a des sondes, on a des systèmes de suivi. Donc tout cela pourrait être équipé, l'ouvrage peut être équipé, il l'est toujours. Si les haubans venaient à s'allonger, on a des moyens de le vérifier. Enfin, tout cela est rapporté à des modèles mathématiques et normalement on doit le suivre. Si ça n'est pas fait, c'est sûrement une erreur de maintenance. On a parlé également de la foudre. Est-ce que vous pouvez nous dire si la foudre a la capacité, je ne sais comment d'ailleurs, Marc Mimram, de faire s'effondrer un pont? Non, je n'ai pas de souvenir ni exemple de choses pareilles. On a toujours équipé, mis à la terre les ouvrages, notamment les grands ouvrages métalliques. Si la fonte venait à tomber sur le pont de Garabi, vous imaginez bien que ça serait assez ennuyeux. Et puis tous les ouvrages sont mis à la terre, donc il y a une liaison électrique qui emmène la foudre jusqu'au sol. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème de cette nature à cet endroit. Est-ce que dans ces conditions, on peut imaginer que pareilles mésaventures se produisent en France ? Est-ce que ce système spécifique, donc inventé par Morandi, ce système de pont à hauban, est aujourd'hui un pont que l'on trouve en France ? Non, il a fait de cette nature-là, il a fait quelques ponts, dont un très célèbre au Venezuela, à Maracaibo. Sur le lac, qui a eu lui-même des problèmes, mais qui sont liés à tout autre chose, puisqu'un paquebot, un bateau est rentré dans la pile. Mais il y avait deux types d'ouvrages, des ouvrages en voûte, avec des reports de tablier, des charges du tablier vers l'arc par des vais en béton, et puis ces ponts haubanés. On n'en a pas en France. Mais on a des ponts haubanés en France. Alors justement, qu'est-ce qu'on a en France, et qu'est-ce qui aujourd'hui, puisque donc à l'issue de cette catastrophe, on a dit qu'il y avait un certain nombre d'ouvrages en France qui méritaient attention. Votre point de vue là-dessus, Marc Mimram ? Il y a 260 000 ouvrages de franchissement qualifiés comme ponts à partir d'une portée au-delà de 2 mètres. En France, ça fait beaucoup. Ils sont pour l'essentiel suivis par les départements et les régions, et plus par l'État. Et je ne me prononcerai pas sur la qualité de la maintenance, mais j'imagine que les services de l'État et des régions et des communes ont à cœur de respecter cette fiche de suivi que l'on donne pour chacun de ces ouvrages. Alors, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas suivie à la lettre. Un ouvrage devrait être repeint tous les 7 ans. Il n'est pas peint tous les 7 ans, mais tous les 15 ans ou les 20 ans. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de vérifier que les signes avant-coureurs de dégradation ne sont pas avérés ou apparents. Et ça, d'après vous, est-ce que c'est fait ? Je pense. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est particulièrement vigilant là-dessus. Parce que il y a aussi une manière d'évacuer cette question en France qui consistait à dire La maintenance en Italie n'a pas été faite comme elle aurait dû être faite. Il y a un certain nombre de précédents qui montrent que les Italiens ont été négligents. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire cela ? Il y a quelques ouvrages qui sont tombés durant les dernières années en Italie. Je pense pas que ce soit le cas en France. Il y a une tradition des ponts et chaussées et du pouvoir des ponts et chaussées qui est bien sûr très largement évolué, mais qui est maintenue en France depuis le XVIIIe siècle. Je dis pas que tout va bien, mais il est clair qu'aujourd'hui la ministre doit s'attacher à regarder cela de près. Comment cela se fait-il que des ponts tels que celui qui s'est effondré à Gênes aient connu ce genre de catastrophe alors qu'il s'agit d'un pont relativement récent, alors qu'on voit qu'il y a des ouvrages qui datent là aussi des Italiens, mais des Italiens de l'Antiquité. Et comment expliquer, Marc Mimram, que l'on ait affaire à des ouvrages finalement aussi fragiles ? Relativisons les choses. Il y a pas un pont ne tombe pas toutes les 5 minutes. De par le monde. Moi, je crois qu'il y a une très grande attention à porter à la construction elle-même, à la réalisation de ces ouvrages. Ils sont aujourd'hui plus tendus, plus économes en matière, plus respectueux d'une certaine manière de la planète, puisqu'on économise de la matière. Et évidemment, à ce titre-là, on peut imaginer qu'on prend plus de risques qu'un pont maçonné des Romains. Le rapport entre la portée et la quantité de matière a largement évolué et on est passé de la pierre au béton et du béton à l'acier et du béton de l'acier à l'acier précontraint. Et aujourd'hui, on construit, on renouvelle il faut croire encore au progrès. Il y a des bétons de fibres ultra performants qui se mettent en place. On vient de réaliser une couverture pour la gare de Montpellier en 3 cm d'épaisseur. Enfin, moi, je crois encore que tout cela peut avancer dans une économie un moment de lumière encore. On y croit tout à fait au progrès, Marc Mimram, mais on aimerait le comprendre. Et d'ailleurs, vous êtes là pour nous aider à le comprendre. Lorsqu'on compare, par exemple, le pont Neuf, un pont parisien avec l'une des passerelles qui aujourd'hui est construite, on voit bien qu'il y a effectivement, comme vous dites, une économie de matière. C'est-à-dire que il y a beaucoup moins de pierres et que c'est beaucoup plus fin. Est-ce que ça veut dire que jadis, quand on construisait un pont, donc avec ces mécanismes d'arche, est-ce que on avait, je vais utiliser un mot atroce, mais de la surqualité ? Est-ce que on mettait trop de pierres par rapport à ce qu'on aurait dû faire ou par rapport à ce qu'on ferait aujourd'hui ? On mettait beaucoup trop de matière par rapport à ce qu'on pouvait faire, et puis la matière n'était pas la même. C'était de la pierre qui elle-même travaille en voûte, où elle pose les pierres les unes sur les autres, une quantité de main-d'œuvre phénoménale, une durée de construction énorme. Il fallait des bâtards d'eau qu'on peut couper la Seine d'hiver en hiver pour construire les piles et les fondations. La grande révolution, la grande invention, c'est évidemment la manière de réaliser des ouvrages sous l'eau. Enfin, tout cela fait que un ouvrage en pierre qui pesait une tonne 5 par mètre carré, aujourd'hui, la passerelle Solferino pèse 300 kilos par mètre carré, celle qu'on a construite sur la Seine. Vous voyez bien qu'on a on a diminué par 5 la quantité de matière mise en œuvre, et puis on a construit beaucoup plus vite et avec des techniques beaucoup plus avancées. Donc, réjouissons-nous que les choses avancent dans ce sens. Et puis, peut-être aussi, on revient à une culture plus attentive au paysage, une culture plus attentive à la raison des choses dans la relation directe avec le lieu. Donc il y a beaucoup de considérations qui font qu'un pont n'est pas toujours le même et n'est pas toujours le plus efficace au sens premier du terme. Mais si on met de côté les considérations écologiques, les considérations budgétaires, toutes considérations qui sont importantes, mais si on les met de côté pour le raisonnement, est-ce que ça signifie qu'un pont à arche tel que ceux qu'on a l'habitude de voir, est-ce que ces ponts-là sont des ponts plus sûrs que les ponts au banais ? Non, ils ne sont pas plus sûrs, ils sont de nature différente. Ils sont construits dans des conditions de production qui ne sont plus les nôtres. Vous n'allez pas attendre d'une saison à l'autre pour construire une voûte et puis la suivante. Vous n'allez pas mettre des milliers de péones comme on le faisait en Amérique latine pour construire des éléments très lourds ou en Europe avec de la pierre. Aujourd'hui, nos raisons de construire des ponts sont tout à fait différentes. C'est porter une attention à l'espace public, à la qualité du lieu partagé, comment vivre ensemble, C'est pas une raison. La raison structurelle que vous évoquiez, qui me paraît évidemment, je ne veux pas éluder la question, mais la rationalité est plurielle. On a différentes manières de construire un ouvrage. Comment le construit-on et pourquoi choisit-on? Comment le dessine-t-on dans ce paysage? Quel service va-t-il rendre au public? Quel espace? L'espace public, c'est l'espace de tous. C'est notre espace partagé. Et l'attention qu'on porte à l'espace public est très différente de ce qu'elle était pour le Pont Neuf. La représentation du roi n'est plus la même aujourd'hui. On veut et on peut tout à fait vous suivre, Marc Mimram, quand vous dites qu'il faut croire au progrès, mais le progrès parfois navigue dans des eaux sinon troubles, en tout cas dans des impasses. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des manières de construire des ponts qui n'ont pas donné satisfaction, qui ont abouti à des ouvrages qui sont des ouvrages, j'allais dire banco, mais en tout cas instables? Il y a eu des catastrophes. Il y en a de célèbres. Rappelez-les-nous. Le pont d'Avignon, bien sûr. Mais plus récemment, vous verrez, il y a un pont très célèbre qui s'appelle le pont Tacoma, qui n'est pas un pont bané, mais un pont suspendu, qui a vibré sous le vent et qui est venu à s'effondrer à cause d'une mise en résonance du tablier. Le vent accélérait la vibration du tablier, le tablier venait en résonance avec le vent. Et donc il s'est écroulé. Il y a un film de cela que tout le monde peut regarder, qui est un film catastrophe. Il y a eu des échecs, il y a eu... Mais je reviens sur le progrès, et les choses avancent, on travaille en sécurité. Je voudrais rassurer vos auditeurs, on n'est pas ici pour faire de l'expérimentation, mais en même temps, on avance. Mais alors, justement, dans le pont de Tacoma, puisque... J'ai cru comprendre, en tout cas, on nous explique à l'école que ce qui menace un pont, notamment, sont les phénomènes de résonance. C'est pour ça qu'on nous explique, par exemple, qu'il faut rompre le pas lorsque on traversait un pont. En tout cas, c'était ce qu'on faisait jadis. Est-ce que ça, par exemple, c'est l'une des menaces prioritaires qui, aujourd'hui, peut rendre instable un pont suspendu? Les progrès sont considérables dans ce domaine. On n'est plus sur le pont de Tours qui est tombé. Vous voyez, même les ponts en pierre peuvent s'effondrer. Ben, on dit que sous la marche pas cadencé, le pont s'est cassé. Les systèmes vibratoires sont maintenant suivis. Notamment les systèmes de vent, on met les ponts dans les souffleries. On regarde quelle est la réaction du tablier par rapport à des coefficients de vent. Et on développe le projet en conséquence. Quant à la marche des piétons, on n'en savait pas grand-chose encore il y a quelques années. Et maintenant, les réglementations sont plus précises dans ce domaine. Donc, je crois qu'il faut avancer. Il faut croire que les éléments peuvent être de plus en plus sûrs et peut-être aussi de plus en plus élancés. Il faut qu'ils installent une relation, non pas de légèreté toujours, mais d'économie, une relation très particulière avec le lieu dans lequel ils sont. Moi, j'ai construit un pont à Rabat, au Maroc, entre Rabat et Salé. Et là, c'était un pont qui était un pont de sol. Et donc, c'est des voûtes en béton qui viennent du sol et qui émergent et qui révèlent le chemin gravitaire. Plutôt des systèmes de voûtes dont on vous parlait un peu classique. Et je me souviens qu'à l'époque, le ministre m'avait dit, mais le progrès, ne serait-il pas de mettre des haubans? Et je lui ai dit que la modernité est peut-être aussi une attention au sol, une attention au paysage. Donc il faut trouver le bon projet au bon endroit. Mais justement, pourquoi vous avez choisi de faire une liaison au sol et pas des haubans? J'imagine pas uniquement pour des considérations esthétiques. Non, pas esthétiques, mais de cohérence avec le paysage. Parce que dans ce paysage très fragile de la vallée du Bouret-Grec, il fallait laisser apparaître seulement le mausolée de la Tour Hassan et ne pas venir en concurrence avec lui. Laisser le ciel dans sa grande dimension. Regarder l'horizon et sa fragilité, s'inscrire dans le sol. On a construit un pont en Chine avec des grandes coques en béton qui semblent flotter sur le lac comme un système de voûte romaine inversée. J'appelle ça la louve romaine parce que c'est comme des mamelons qui flottent sur le lac. Il y a mille raisons qui font que ça peut devenir lourd et apparaître comme léger, ça peut être léger et apparaître comme tendu. Il faut que l'on continue à porter une grande attention à ces ouvrages. Et je crois que ce qui est extraordinaire aujourd'hui à notre époque, c'est la multiplicité des solutions proposées. On a aujourd'hui, On peut inventer de nouveau et de nouveau. Vous savez, c'est toujours la même question. Pourquoi est-ce que vous construisez un pont pour aller d'un point à un autre? Non, pas seulement parce que on peut y attendre et accueillir des gens. On a construit une passerelle sur le Rhin entre Strasbourg et Kiel, au centre de laquelle il y a une place publique. Les gens s'y retrouvent. Les puissants, parce que les gens de l'OTAN ont voulu s'y croiser de part et d'autre à l'époque de Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est les manants s'y retrouvent aussi. Enfin, l'espace public, c'est la représentation de notre société. Donc les ponts sont à la mesure de cela. Le pont Morandi, cette catastrophe qui est intervenue à Gênes, en conclusion, Marc Mimran, est-ce qu'elle nous apprend quelque chose? Est-ce qu'il est trop tôt pour qu'elle nous apprenne quelque chose? Ou bien déjà, vous, vos collègues, vous allez réfléchir différemment quand vous fabriquerez des ponts dans le futur? Oui, il faut d'abord attendre les conclusions de l'enquête. Bien sûr, tout le monde sera attaché à regarder cela avec grande attention. Sur les questions de fatigue, de vieillissement, de suivi, de maintenance, etc., je pense qu'il faudra tirer des leçons pour l'avenir. Mais c'est pas les ponts aubanais qui vont disparaître demain, je l'espère bien. Merci beaucoup, Marc Mimram. Superfail a été foiré à la technique par François Davy, raté par Daphné Abgral à la programmation et mal réalisé par David Jakubowiez. Superfail.